soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, le tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dieu si vous nous rejoignez en ce jeudi 22 janvier 2026. Il est jeudi ou vendredi d'ailleurs. Autant vous le rappeler de suite, ce programme Démodé sans sensible en direct entre 12 et 13 heures ce jeudi 22 sera rediffusé ce vendredi 23 janvier à 8h et 19h. Et vous retrouverez également en diffusion ou rediffusion croisée, le programme Dig Dig Diggers, dont on va en reparler d'ici un instant, notre programme mutualisé et collectif Ferrarock, ce sera en direct, ou presque, ce jeudi 22 janvier 19h, rediffusé demain à midi et lundi en matinale dès 8h. Bienvenue en tout cas dans ce programme Démo des sons sensibles. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. C'est une pièce, un spectacle qui a été créé en 2024, précisément à l'occasion du lancement de saison de la Comédie de Saint-Étienne avec des représentations qui avaient eu lieu au mois d'octobre 2024. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair est un travail réalisé par le duo Ella Épitre que nous avions rencontré à l'époque et que je vais vous proposer de retrouver à nouveau aujourd'hui en rediffusion de cette large interview que nous avions réalisé donc à l'époque à l'occasion de la reprise de ce spectacle qui sera joué à nouveau à Saint-Étienne, ce sera les 3 et 4 février prochains, le mardi 3 février à 20h, le mercredi 4 février à 19h, une nouvelle date qui vient de se rajouter pour cette deuxième proposition du 4 février. Voilà un spectacle drôle, inventif, pour tout public. Et bien suivez attentivement cette interview, puisqu'il y aura même petite surprise et cadeau à la clé, des places à gagner pour la date notamment du mercredi 4 février prochain. Une autre petite proposition, ce sera décidément un programme assez culturel aujourd'hui, avec une programmation attendue du côté du Solar, et oui, la scène jazz stéphanoise, programmation est assez chargée en cette fin de semaine, ce samedi notamment, et puis toute semaine prochaine surtout. C'est une semaine back in town dont nous reparlerons avec une interview très rapide. Je vous proposerai de retrouver Olivier, le responsable programmateur directeur du Solar à Saint-Étienne. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. Quelques infos brèves à vous faire part également. Nous ouvrons avec nos partenariats et découvertes Ferrarock cette semaine. Vous le savez, double proposition chaque semaine en présentation, diffusion, je concours parfois et en émission spéciale. Alors je vous ai présenté ce début de semaine le projet Pretty Inside et son Ever Gonna Heal, album de ce groupe bordelais signé via les labels Flipping Freaks, Alling Banana et les disques du Paradis. Mais je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur l'autre proposition cette semaine. Il s'agit du projet Goodbye Carol et l'album Knuckle Breaker Max qui est sorti via le très bon label Yotanka Records. Je vous présenterai et vous en dirai peut-être un peu plus sur ce projet et ce groupe juste après écoute. Simplement peut-être vous dire que c'est une veine plutôt pop, parfois assez dépouillée, assez lo-fi même, dans le style sur certains morceaux. Certains en effet en forme d'interlude, voix guitare simplement, mais parfois de façon beaucoup plus léchée, je dirais. Donc ça fait un mélange assez surprenant, une veine indie folk, mais parfois très pop, voire rap, voire électro-rap chanson. C'est assez surprenant, notamment via ce titre qui me semblait assez emblématique et représentatif justement de ces divers univers mélangés au sein de ce titre intitulé « Funny People ». Que je vous propose de retrouver, vous allez voir, c'est un début de morceau justement très dépouillé, plutôt guitare-voix, et puis qui va évoluer sur une fin très groovy, et du micro et de l'autotune présent. Voilà, chose assez surprenante. Bah, une petite découverte avec ce titre-là. Démo des sons sensibles, c'est parti. Et voilà, funny, en effet, c'est marrant et c'est drôle l'usage que peut faire de voilà, l'autotune aussi cet artiste. Carell, Goodbye Carell, c'est le nom de ce projet emmené par l'artiste Carell Tremblay, et oui, et son nom l'indique, c'est une artiste qui nous vient de Montréal, du Québec, alors qu'il avait sorti un premier album en 2023 sous ce pseudo Goodbye Carell, conservé donc désormais à mi-chemin entre folk et rock. Indie folk même, indie rock, véritablement pop électro rap parfois avec voilà, cette ouverture là sur ce deuxième album Knuckle Breaker Max. L'artiste était venu pour 4 dates dans l'Hexagone l'an dernier et puis donc sorti de cet album qui est en découverte et en partenariat Ferra Rock cette semaine où Carell Tremblay explore toujours la question du genre, de l'identité, du désir, voilà, elle explore ces zones troubles au travers donc de cet album et de ses différents titres proposés. C'est sorti via le label Yotanka Records, c'est l'album artiste découverte cette semaine jusqu'à ce 25 janvier, aux côtés, je vous le rappelle, de Pretty Inside. Vous en saurez davantage, bien sûr, en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, avec des interviews réalisées, bien sûr, auprès de ces artistes. Et puis une carte blanche, ce sera le cas à nouveau cette semaine, avec un nouveau volume, le 31 de la collection Éthiopique, cette fameuse collection réalisée par Francis Falsetto. Et c'est RCV qui a réalisé un travail, et c'est la deuxième semaine où on retrouve donc ces volumes présentés de cette collection. Dans Dig Dig Digger, ce sera ce jeudi 22 janvier, 19h, rediffusion donc ce vendredi midi, et lundi dès 8h. Quelques infos très rapides pour ouvrir ce programme, des petits rappels même, de notamment cette exposition « Regards croisés sur la forêt primaire » présentée par les artistes Brouillamini et Sel. C'est à la Maison de la Nature à Saint-Étienne, c'est 11 rue René Cassin, c'est dans le quartier de Lacotonne à Saint-Étienne, de 18h à 20h pour cette expo qui regroupe 22 œuvres originales dessinées à l'aquarelle et à l'encre, dont une partie des bénéfices de vente ira à l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Une expo visible jusqu'au 15 mars prochain donc à la Maison de la Nature de Lacotonne à Saint-Étienne, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est un partenariat via différentes associations, France Nature Environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux notamment, ce qui me permet aussi de vous rappeler que ce week-end aura lieu le week-end national de comptage des oiseaux. Ça se passe au jardin. Pourquoi ce comptage est important? Parce qu'il permet au niveau national notamment pour l'association d'estimer l'évolution des populations d'oiseaux commun des jardins. Donc tout le monde peut participer à son niveau, c'est une contribution véritablement participative et collective, avec un protocole tout simple qui est à suivre. Ça peut permettre aussi d'être, pourquoi pas, une activité familiale et ludique à réaliser ce week-end, puisque ça a lieu, c'est 24 et 25 janvier. Allez sur le site de la LPO ou le site dédié d'ailleurs, www.oiseaudesjardins.fr. au pluriel, et vous aurez toutes les infos sur la façon de procéder pour ce travail de comptage. C'est une étude vraiment intéressante et importante à réaliser. On sait qu'une étude récente a établi un lien entre l'usage de pesticides et la baisse du nombre d'oiseaux qu'on observe de moins en moins justement dans nos jardins. Cela est dû à l'usage effectivement assez généralisé des pesticides, avec des bilans et constats assez inquiétants, puisque ce sont 800 millions d'oiseaux en moins depuis 1980. Alors on espère qu'on va reconnaître une tendance à la hausse, mais en tout cas voilà, les chiffres et le constat est bel et bien là. La LPO d'ailleurs qui ne peut que se féliciter, on l'avait déjà connu dans la région à Saint-Chamond notamment, ou Châteauneuf il me semble, et cela a été une activité assez surprenante durant la période Covid où les gens se sont mis derrière l'écran pour observer des oiseaux et un nichoir, notamment celui de faucon pèlerin, ce rapace assez fascinant finalement. La ville de Saint-Étienne vient d'équiper des nichoirs qui ont été installés sur le Zénith et le stade Geoffroy-Guichard. Voilà, des nichoirs pour faucon pèlerin. Désormais, la ville en est équipée. Voilà pour cette activité, ou en tout cas cet agenda et ces infos plutôt environnement et naturaliste. Autre petit rappel, je vous le rappelle, toute cette semaine jusqu'à ce 24 janvier, c'est la 10e édition des Nuits de la Lecture qui ont lieu un peu partout en France et notamment à Saint-Étienne, alors dans le réseau des médiathèques notamment, et puis sur le musée de la mine également, musée local. Vous avez tout en suivant le site médiathèque.saint-étienne.fr. Vous allez dans l'agenda, les Nuits de la Lecture, la thématique ville et campagne est à l'honneur pour cette 10e édition. Alors vraiment, la programmation est assez chargée, dur de vous en faire état là, de façon exhaustive, mais simplement peut-être vous rappeler sur ce thème ville et campagne une table ronde, parce que cela nous ramène aussi à celle organisée sur les jardins familiaux par le Grémos en septembre dernier à la Cale. Et bien pour en savoir davantage ou reprendre peut-être cette discussion, vous pourrez retrouver Émilie Sauveur qui interviendra ce samedi 24 janvier à la Cinémathèque de Tarentaise sur le thème les jardins ouvriers et familiaux de Saint-Étienne. Et parce que hier, j'étais précisément sur le Solar à Saint-Étienne. Je vais vous en faire état juste après pour le tremplin Nos Talents sur Scène, le tremplin ou ce dispositif en tout cas local, dont les inscriptions viennent de se boucler le 12 janvier dernier. Je vous rappelle ce dispositif ouvert à tous les musiciens et musiciennes amateurs amatrices, quel que soit leur âge, en solo ou en groupe. Avec simple, pour simple critère, en tout cas au moins résider dans la Loire pour au moins un des membres, avec toutes les esthétiques représentées. Eh bien, les candidatures ont été nombreuses pour cette édition 2026 et le jury ou comité de pilotage s'est réuni hier au Solar pour écouter l'ensemble des candidatures. Alors autant vous le dire, ce fut une journée longue et assez laborieuse. 67 candidatures pour ce tremplin Nos Talents sur Scène à Saint-Étienne qui fête sa 9e édition, ce sera la 10e l'année prochaine en 2027. 20 groupes ont été sélectionnés, on va en reparler juste après, mais c'était l'occasion parce que le Solar, une des scènes qui va accueillir les présélections live, nous accueillait hier pour cette journée, eh bien de retrouver le Solar et Olivier pour nous parler de la programmation en ces murs, c'est-à-dire de la programmation du Solar, parce que pas mal de choses prévues cette fin de semaine, ce samedi et toute la semaine prochaine. On retrouve justement le Solar au micro du 895 de Duo. On est avec Olivier du Solar, salut à toi. Oui, salut, bonjour. Le Solar, scène jazz, Saint-Étienne, un concert ce samedi 24 janvier. C'était l'occasion, puisqu'on se retrouve là, de nous dire quelques mots de ce Naïma Quartet que tu as programmé. Naïma Quartet, une musicienne qui est déjà venue il y a quelques années au Solar, qui a accompagné récemment Ibrahim Malouf. C'est un de mes disques coup de cœur, chouchou, de ces derniers mois. Je suis vraiment très, très content d'accueillir Naïma et son équipe. La composition, quelque chose de très actuel, de très mélodique, vraiment un univers très doux, très soft. Je pense que ça va être une belle manière d'ouvrir ce week-end. Avec Naïma donc en basse et contrebasse hein, pour cet artiste-là. Oui. Absolument. Et en quatuor pour ce concert. Et puis alors, une semaine spéciale, donc un peu concept là pour le Solar, qui propose sa semaine Back in Town. Donc on est de retour en ville et avec un invité... en fil rouge. Oui, le cher Joan Fargeau, stéphanois d'origine, qui a passé une bonne partie de sa formation musicale à Saint-Étienne et qui ensuite est monté sur Paris, a fait je ne sais combien de scènes internationales. Il y a quelques mois, il est rentré en contact, on se connaît beaucoup et très très bien depuis longtemps avec Joan. Lorsqu'il a su qu'il avait une programmation à l'Opéra, il m'a dit « Écoute Olivier, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble au Solar ? Je travaille avec Raphaël Imbert, comme tu le sais, depuis pas mal d'années. Je dis, écoute Joan, les portes du Solar te sont ouvertes. Il avait été contacté en parallèle par l'équipe de la Cinémathèque. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé cela une semaine Back in Town pour Joan. C'est vraiment une espèce de carte blanche qui lui est offerte dans les chouettes de Saint-Étienne la semaine prochaine. Tout s'est aligné finalement avec donc pour prétexte cette soirée du jeudi 29 janvier qui est à l'Opéra Théâtre qui est Schubert Mélodie oubliée. Donc co-dirigé par Joan Fargeau, c'est ça se passera au théâtre. Avec l'ensemble Contraste, absolument, et la soprane Karine Dehé. Donc ça, c'est à l'Opéra le 29. Absolument. Tu parlais de la Cinémathèque qui avait déjà aussi fait proposition donc, à Joan Fargeau pour un concert ciné-hommage à Duke Ellington. Absolument. Avec Raphaël Imbert, Joan Fargeau et Fanny Bouteiller. Hein, Fanny Bouteiller, magnifique contrebassiste qui réside sur Lyon, qu'on a énormément accueilli ici au Solar sur plein de formations différentes. Lorsque Joan m'a contacté, il m'a dit « Écoute, je viens avec Raphaël, mais ce serait bien qu'on puisse avoir une musicienne un petit peu du cru. » J'ai pensé tout de suite à Fanny pour faire le lien. Et donc ce seront des improvisations en salle sur des films afro-américains de l'entre-deux-guerres, c'est ça qui est prévu ? Il y a ça, et pas uniquement. Je pense qu'ils vont s'amuser vraiment sur le répertoire de Duke Ellington. Donc ça c'est le 30 janvier, 14h30. La Cinémathèque également pour du classique. Là ce sera en ouverture de semaine finalement, ce sera mardi 27. Le 27, absolument, oui. Alors si tu veux aussi décrire un petit peu le principe de cette soirée, puisque ce sera à 19h30. Alors là ça va se dérouler donc à la Cinémathèque, ça va être autour du documentaire « L'homme à la caméra ». Qui est un documentaire de 1929, qui est un documentaire russe, et sur lequel Joan va là aussi se livrer à de magnifiques improvisations. Et puis enfin, à la Cinémathèque toujours, Médiathèque Cinémathèque, la salle de la Médiathèque, la Cinémathèque à 18h30, le mercredi 28 janvier, un autre bel hommage à une autre grande figure, un grand artiste. Lalo Schifrin. Alors là, pour le coup, tous les amateurs et tous les cinéphiles devraient venir parce que ça va être là aussi une manière de se remémorer toutes ces grandes musiques que nous avons entendues dans les années 70-80. grand compositeur hein, de bande originale de films, et c'est donc bien sûr avec des images dans les musiques de films et de séries de Lalo Schifrin, un parcours au piano que va proposer Joan Fargeau. Donc finalement, c'est une semaine back in town pour Joan Fargeau, mais pas véritablement back in solar, quoi. Pas véritablement, effectivement, back in solar. C'est, on s'est dit, tiens, là, il y a Joan qui est là, on en profite, il est chez lui partout, il est d'ici, il a une carrière vraiment fabuleuse, internationale, donc c'est vraiment bien qu'on puisse la voir pendant une semaine près de nous. Oui, parce qu'on a évoqué le jazz et Duke Ellington, donc forcément, eh bien oui, un Caravan, le classique, issu de ce grand disque, Money Jungle, que je vous recommande encore, hein, en fameux trio Charlie Mingus, Max Roach. Duke Ellington, en effet, à l'honneur dans cette programmation et ce tribute, notamment, hein, Joan Fargeau, Raphaël Imbert, Fanny Bouteiller, dont vient de nous parler Olivier Corchia, du Solar. Ce sera donc le vendredi 30 janvier prochain à la Cinémathèque pour ce ciné-concert hommage à Duke Ellington. Et puis Lalo Schifrin également, le 28 janvier, l'Opéra Schubert, le 29 janvier, le 27 avec la Joan Fargeau. Et une séance présentée par Gérard-Michel Thermot à la Cinémathèque le 27 janvier à 19h30. Semaine Back in Town spéciale consacrée à ce pianiste, compositeur et chef d'orchestre stéphanois. Donc, vous l'avez entendu, Joan Fargeau, c'est la semaine prochaine à Saint-Étienne. Et puis, en programmation plus proche, cette fin de semaine, samedi 24 janvier, ce samedi à 20h30, c'est le Naïma Quartet, donc emmené par cette chanteuse, Naïma Giroux, et contrebassiste, hein, en quatuor là, avec Jules Loribé, John Owens et Thomas Toméné, batterie, guitare, piano, et donc basse, contrebasse. Naïma Quartet, ce samedi soir, 20h30. Au Solar à Saint-Étienne, qui est situé, vous le savez, à un côté proche ou à proximité de la Comète à Saint-Étienne. C'est précisément au 7 avenue du président Émile Loubet pour la scène de jazz stéphanoise. Olivier Corchia, je vous le rappelle d'ailleurs, qui avait été l'invité du 8-9-5 de Dieu en décembre dernier dans l'émission Plus fort, j'entends rien. Et le collègue Loïc qui avait reçu Olivier pour parler plus précisément de jazz et plus largement de jazz à Saint-Étienne et au Solar en l'occurrence. Donc je vous renvoie aussi vers notre site radiodu.org et retrouver les podcasts et la réécoute possible de cette rencontre auprès du Solar en décembre dernier avec l'émission Plus fort, j'entends rien. Tout cela aussi pour vous annoncer de l'actualité jazz et revenir sur Duke Ellington. Parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais Duke Ellington est bel et bien lui aussi venu dans la Loire et dans la campagne forésienne en février 1966. Alors voilà, ça a été un tournant, enfin en tout cas un événement plutôt assez marquant puisqu'il est venu passer quelques jours au point de composer une suite, La Goutte, la suite, et d'y consacrer un chapitre entier dans son autobiographie. Cela a donné lieu à un film. Vous connaissez peut-être cette photo de Duke Ellington au piano en extérieur avec une poule sur le piano devant le château de Goutla, dans la Loire donc, et dans le Forêt. Une poule sur le piano et sur un piano surtout, c'était un film documentaire hein, de Laurent Lucchi qui revient justement sur cet épisode et sur cette histoire. Et simplement vous dire que celle-ci, histoire, est associée à eh bien, l'aventure du château de Goutla, qui a été un projet d'ouvriers, d'intellectuels, d'agriculteurs, d'artistes qui se sont rassemblés autour de ce projet de reconstruction du château de Goutla, qui continue de vivre et d'exister aujourd'hui via eh bien, une programmation pointue et très large. Vous pouvez retrouver tout cela sur leur site dédié, châteaudegoutla.fr, mais simplement vous annoncer que justement le 15 février prochain, Duke Ellington sera encore à l'honneur. Jazz et château, jazz et Goutla, le 15 février pour une balade à partir de 14h30 ou visite du château de Goutla dans les pas de Duke Ellington. Pour reprendre la présentation, vivre intensément chaque instant, travailler en équipe et surtout respecter l'autre, les rebâtisseurs de Goutla n'auraient pas renié cette devise d'Herbie Hancock. Et c'est justement Fabrice Jus qui est membre de l'association qui va proposer donc de plonger dans cet univers du jazz et accompagner l'histoire, l'aventure du château dans les pas de Duke Ellington, donc qui fut accueilli au château en 1966. Cette visite est donc prévue le dimanche 15 février prochain à 14h30. Il faut réserver et donc vous inscrire pour cette visite. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nouveau, je vous le rappelle, châteaudegoutla.fr. Je reviens sur cette rencontre avec Olivier Corchia du Solar, réalisée hier pour cette petite interview, et vous présenter l'agenda et la programmation de ce week-end et de toute la semaine prochaine. Tout cela parce que nous étions accueillis au Solar hier toute la journée pour le tremplin Nos Talents sur scène et la journée d'écoute de ce tremplin qui avait lieu hier. Alors autant vous le dire, pour l'édition 2026, 67 candidatures ont été reçues par le tremplin. Et donc, eh bien, écoutez hier pour l'ensemble des propositions et des artistes candidats ou candidates avec des compositions ou des arrangements originaux, parfois quelques reprises. Et le but de cette journée d'écoute hier et du jury finalement, du comité de pilotage de ce dispositif, de ce tremplin, était de sélectionner 20 groupes pour un concert live de 20 minutes qui aura lieu dans les semaines et mois à venir avant une finale entre guillemets au fil qui se déroulera au mois de mai prochain. Alors, autant vous dire que l'exercice est toujours un peu laborieux. Il y avait 14, je dirais, un peu structures, donc membres de ce comité de pilotage regroupés, à écouter collectivement, attentivement, ensemble, hier, durant cette journée, les candidatures. Alors, pour rappel, hein, il y a la salle Le Fil, le Solar, Guitare Avenue, le Château du Rosier, le Clapier, Dio, le Conservatoire Massenet, la ville de Saint-Étienne, et j'en passe. Des festivals locaux également, hein, de l'Université Jean Monnet, le Festival Parole et Musique. Le phénomène fréquence également, le département de la Loire, allez, on va les citer de manière générale et exhaustive, la ville du Chambon-Feugerolles également, bref, 13 à 14 donc structures organisations locales, membres du jury de ce tremplin Nos Talents sur scène, et vous annoncez que bien voilà, la sélection est faite, 20 groupes ont été retenus. Alors je ne vais pas vous faire la primeur de vous les annoncer aujourd'hui sur le 895 de Dieu, on vous réserve cela pour plus tard, et puis avec la communication, je dirais, officielle qui va présenter les 20 groupes qui ont été sélectionnés et retenus pour ce tremplin Nos Talents sur scène 2026. Simplement revenir sur parfois aussi les déceptions. Parmi ces 67, forcément, nombreuses sont celles qui n'ont pas été retenues. Et puis parfois, à contre-cœur pour nous aussi, membres du jury, qui apprécions certaines formations, certaines esthétiques, et qui ne sont pas forcément retenues à l'issue de ces sélections. Alors c'est le cas, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, pour faire une petite entrée tout de même dans ce tremplin Nos Talents sur scène. Un artiste qui nous a proposé son projet intitulé Dead, un projet qui était la 47e, pour vous le dire précisément, proposition et candidature. Un artiste d'une trentaine, quarantaine d'années, qui travaille à l'écriture, le chant, les instruments, qui a travaillé le théâtre, la musique également, et qui n'est pas de Saint-Étienne. Il a passé plusieurs années dans un groupe de musique d'origine strasbourgeoise, DTM, et qui poursuit donc désormais son chemin avec ce projet solo, avec une forme musicale peut-être plus travaillée, plusieurs années dans une phase de recherche, et puis désormais une formule alors instrumentale, mais aussi chantée. Et je vais vous proposer justement de retrouver cet artiste et cette proposition, parce qu'il est en terre stéphanoise depuis 2021. Il mène donc ce projet qui... a déjà eu l'occasion de se produire à Saint-Étienne, parce que le principe aussi de ce tremplin est d'avoir fait très peu de dates, moins de 10 concerts. C'est le cas pour ce projet-là qui comptabilise 4 concerts à Strasbourg, à l'Entrepôt Café à Saint-Étienne et à la CAL de l'Amicale Laïque du Crédroc. Donc peut-être avez-vous d'ailleurs déjà pu apprécier ce projet-là. Je vous propose de retrouver Dead, donc, qui est issu de la galaxie du label Distotal, qui regroupe plusieurs projets comme Brumera, Megadog Mammouth, DTM dont faisait partie donc cet artiste-là, et Dead également, que je vais proposer donc de retrouver et d'écouter là, avec le titre Londen est à l'ombre, comme quoi il est bel et bien de retour en terre locale. Je vous propose donc de découvrir. Demandez-moi ma main, Londen est à l'ombre. Demandez-moi ma main, l'eau est si profonde. C'est au petit matin, Londen est à l'ombre. Je suivais mon chemin, l'eau est si profonde, du pas le plus habile, l'on est à l'ombre, je montais à la ville, l'eau est si profonde, où vais-je et d'où je viens, l'on est à l'ombre, me demande marin, l'eau est si profonde, je vais où je pourrais, l'on est à l'ombre, sans que vous m'arrêtiez, l'eau est si profonde, ce ne sera pas loin, l'on est à l'ombre, la mer est à deux pas, l'eau est si profonde, si la mer ne veut pas, l'on est à l'ombre, que je passe son bras, l'eau est si profonde, je vous le dis marin, l'on est à l'ombre, vous n'aurez pas ma main, l'eau est si profonde, vous n'aurez pas ma bouche, l'on est à l'ombre, vous n'aurez pas ma couche, l'eau est si profonde. Voilà pour cet artiste Dead qui était candidat pour ce tremplin Nos Talents sur Scène, qui a été personnellement un de mes coups de cœur, mais qui n'est pas retenu pour ses sélections finales ou présélections, et donc ses 20 groupes. En tout cas, voilà, au plaisir de redécouvrir cet artiste qui fait partie du label Distotal, comme je vous le précisais. Il s'agit de François Gorissin, de son vrai nom, si je prononce correctement, qui est à l'origine de ce projet solo folk grunge un peu voilà, local, qui a eu l'occasion aussi de se produire avec des artistes un petit peu voilà, que l'on connaît aussi localement de la scène stéphanoise. En tout cas, pour revenir à ce dispositif Nos Talents sur Scène 2026, donc vous annoncez que les choses vont être lancées et tout cela va se dérouler très prochainement sur deux dates par semaine au mois de mars prochain pour les concerts de présélection live. Donc je le disais, une vingtaine de minutes de concerts live pour chacun de ces groupes. Ce sera le 17 mars prochain au Solar, justement, première date de ces présélections live. Le 19 mars au Clapier, le 24 mars à la salle de spectacle de l'Université Jean Monnet, le 26 mars au Château du Rosier à Feur, et puis le 31 mars, le mardi 31 mars à l'espace Albert Camus du Chambon-Feugerolles avant la finale, entre guillemets, qui réunira 5 groupes et qui aura lieu au fil le 13 mai prochain à partir de 19h30. À mi-parcours dans ce programme des mots, des sons sensibles, je vous propose de retrouver le deuxième sujet ou l'essentiel et principal sujet du jour en culture. Nous allons parler du spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Alors ouvrez grand les oreilles justement pour cette interview qui va suivre, réalisée auprès d'Ella et Pitre, le fameux duo et binôme peintre stéphanois qui proposait, c'était en 2024, rappelez-vous, à l'occasion du lancement de saison de la Comédie de Saint-Étienne, ce spectacle qui avait eu lieu au mois d'octobre 2024. Alors l'entretien avait été réalisé à ce moment-là pour ce tout premier spectacle créé à la Comédie pour Ella et Pitre. Une véritable expérience de, finalement, de processus de travail, mettre en jeu des situations de peintre comme on peut mettre en jeu des situations de théâtre. Voilà, une sorte d'interdisciplinarité aussi au sein de ce projet, de cette création qui mêle musique, poésie et puis la toile bien sûr, grande toile de jeu qui est en scène. Voilà, c'est tout le potentiel je dirais théâtral qui est proposé donc de l'acte de peindre par ce spectacle qui est repris. Alors il y a eu quelques dates depuis la date de la Comédie en 2024. Le spectacle a

Et alors je me demandais aussi si ce spectacle-là qui va être créé et proposé à la Comédie Saint-Étienne va faire l'objet, est-ce que c'est une sorte d'acte brut et éphémère aussi dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va le voir durant cette période-là de diffusion, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à être rejoué et donc être diffusé, tourné? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de cette façon-là? Bah, l'idée de base, c'était d'avoir notre petit spectacle qui va grandir avec nous et qu'on aura dans notre valise en plus de ce qu'on fait d'habitude en tant que peintre, dessinateur, quoi. On voulait avoir ce spectacle en plus en poche et pouvoir le jouer même quand on serait vieux et tout ça, et qu'il évolue aussi avec notre évolution et notre façon de prendre de l'âge. Du coup, c'est un spectacle qu'on a pensé comme un truc qu'on aimerait qu'il continue d'évoluer tout le temps et de bouger tout le temps en fonction de notre évolution à nous. Et donc, dans l'idée, ça serait plutôt de le tourner, si on peut, on verra en fait. S'il est bien, il tournera. S'il n'est pas bien, il ne tournera pas. Là, ça va être un peu le crash test à la comédie, quoi. Et là, épître à l'instant d'interview au micro de Dio, c'était en septembre 2024 pour le spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair, qui était joué alors en octobre 2024 à la Comédie de Saint-Étienne. Et de retour en ce début d'année 2026 à Saint-Étienne, salle Le Fil. Alors un crash test, comme le disait là à l'instant, plutôt réussi. Une évolution ou des évolutions peut-être depuis 2024, ce sera en tout cas surprise et chose à découvrir. Les 3 et 4 février prochains, salle Le Fil à Saint-Étienne pour ce retour en terre stéphanoise du duo et ce spectacle. Vous connaissez sans doute Ella et Pitre hein, par leur travail en binôme qu'ils réalisent depuis plus de 15 ans maintenant, dessins sur papier de grand format qui collent sauvagement en milieu urbain dans diverses villes d'Europe et du monde. Ils ont même fait dynamiter des dessins géants dans une carrière de pierre. Et puis des performances vidéo, comme l'expliquait aussi Pitre durant cette interview. Et puis ils ont donc changé un peu leur point de vue, des immenses surfaces de sol et de toiture, des dimensions vraiment monumentales, avec notamment la plus grande toiture peinte au monde qu'ils ont réalisée en 2019 au Parc Expo de Paris. Et puis ce fut chose faite en différents pays du monde, Norvège, Bulgarie, Chine, États-Unis, Colombie, Chili, et encore dernièrement, c'était l'été dernier, il me semble, au Zimbabwe pour exemple. Et puis, eh bien, autre étape aujourd'hui, hein, dessiner sur un plateau de théâtre. Voilà, une autre manière d'explorer aussi avec de nouvelles contraintes et puis se remettre un peu en difficulté, en déséquilibre peut-être, surtout pas véritablement difficulté, mais l'occasion d'expérimenter, d'explorer de nouvelles façons de mettre en scène l'acte de peintre avec des outils inhabituels, des draps, des serviettes de bain, et puis laisser tout cela évoluer, s'effondrer, se déformer, se déchirer. Bref, c'est un chouette... délire aussi que ce travail et cette œuvre vivante. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Jouez donc salle Le Fil à Saint-Étienne. Alors je précise, la date du mardi 3 février est désormais complète. Il vous reste la date du mercredi 19h 4 février. Et pour ce, eh bien, invitation Dio. Ça se passe ici au bout du fil, 0477 438 895. Laissez vos coordonnées si vous laissez un message donc au bout du fil de Dio. Et puis sinon, éventuellement, un petit mail au contact redac@radiodio.org. Pour véritablement terminer ce programme du jour, je voulais juste aussi revenir sur la proposition musicale qui est intervenue au milieu de cet entretien et que je souhaitais créditer tout de même, puisqu'il était question de graphe au travers du titre Graffiti Tox, puisqu'il était question aussi là de peinture sauvage, justement, on l'évoquait durant cet entretien avec Pitre, justement, qui est décidément multicarte et a plusieurs cordes à son arc. En tout cas, il avait sorti ce titre en tant aussi que musicien. Et de ce projet musical-là, au-delà de Kynix Crew, que vous connaissez peut-être à Saint-Étienne, c'était le projet Astro Blitz et ce titre Graffiti Tox, donc, que j'ai proposé en illustration aussi de cet entretien et de ce sujet du jour. C'est la toute fin de ces mots et sons sensibles aujourd'hui, puisque nous parlions du fil. Je vous rappelle encore les dates, et notamment celle de cette fin de semaine. Bottlenext, le groupe stéphanois, ou presque, enfin en tout cas signé sur le label stéphanois Le Cri du Charbon, le bien nommé. Après 15 années de tournée, 2 EP, 3 albums, dont un live, le groupe est de retour, un album, ou un EP en tout cas, qui est fêté ce 24 janvier, salle Le Fil, avec animaux en première partie, animaux virils même pour être précis. Ne manquez pas cette date partenaire Dio également, des places sont encore disponibles également pour cette soirée de samedi soir. C'est pour Bottlenext. Et on va terminer définitivement en musique. En guise de générique de fin, une petite ouverture, musique et cinéma, puisque c'est aujourd'hui, ce 22 janvier, l'anniversaire de Jim Jarmusch. Voilà, le réalisateur et scénariste américain, mais musicien également. Il est né un 22 janvier 53 dans l'Ohio. Et puis surtout, c'était l'occasion d'une actualité cinématographique aussi et musicale, puisque tout d'abord, son dernier film à l'affiche, Father, Mother, Sister, Brother, film qui a été présenté ici et là, qui a remporté le Lion d'or de la Mostra de Venise tout de même, et qui surtout bien marque le retour aussi musical de Jim Jarmusch, que l'on connaît ou a connu au travers aussi d'autres bandes originales de ses propres films d'ailleurs, aussi de ses projets comme Squirrel par exemple, et qui avait rencontré l'artiste Annika en 2022 lors du 15e anniversaire du label Sacred Bones. Et il avait été séduit par cette artiste et le cinéaste avait entamé une collaboration finalement avec Annika, une collaboration qui a donné lieu et qui donne lieu à la bande originale de ce film Father, Mother, Sister, Brother, avec et bien plusieurs titres qu'ils ont co-réalisés, des reprises également, c'est le cas du titre d'un titre de Jackson Browne, These Days, et puis également du Dusty Springfield, le titre Spooky, dans une version assez minimaliste, voix, contrebasse, très belle proposition, et donc c'est ce que je vous propose de retrouver pour cet album qui est paru en, on va dire, en fin d'année 2025, voilà, et pour ce film qui est actuellement bien sûr à l'affiche. Et que je me permets de vous recommander également chaudement. Toujours une belle expérience et un retour au cinéma à sketch de Jarmusch. Mais il faut se laisser porter. C'est aussi un univers, une ambiance, un rythme. Justement, Spooky, reprise de Dusty Springfield par Annika et Jim Jarmusch. En guise de générique de fin de ce programme. Pour tout bon chez vous, portez-vous bien. On se retrouve semaine prochaine, début de semaine, même lieu, même heure. Ciao, bye. In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie? At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say alright. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye be winking. I get confused, cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. If you decide someday to stop this little game that you are playing, I'm gonna tell you all the things my heart's dying to be saying. Just like a ghost, you've been a-haunting my dreams, so now I know you're not what you seem. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky.